Dossier 1. Deuxième partie. La visite du restaurant. Bernard s'approche de Raymond et Joseph. Bonjour messieurs. Excusez-moi de vous déranger. Je suis le nouveau propriétaire du restaurant. Nous avions rendez-vous avec Maurice. Il n'est pas là. Vous ne savez pas où il est par hasard. Vous aviez rendez-vous à quelle heure? À 14h. Joseph et Raymond regardent l'horloge de l'église. 2h15, et vous appelez ça en retard? Et bien on voit bien que vous n'êtes pas du pays, vous. Il est allé déjeuner chez sa fille, à Nice. Il va pas tarder, c'est l'heure où il revient d'habitude. Mais dites-moi, vous êtes le propriétaire, et vous n'avez pas les clés? On ne signe que demain, c'est le notaire qui nous remettra les clés, après la signature. Vous n'avez pas encore signé. Alors, il a peut-être changé d'avis, Maurice. Ne l'écoutez pas, c'est un farceur. Mais il n'est pas méchant. Ne vous inquiétez pas, il va venir, Maurice. Mais dites, si c'est pas indiscret, on m'a dit que vous étiez dans l'informatique. C'est vrai, ça? Oui, je crée des logiciels pour une grande entreprise. C'est loin de la cuisine, l'informatique. Mais j'ai suivi les cours chez les plus grands chefs. Les grands chefs avec leur nouvelle cuisine, ils ont trouvé le filon. Rien dans l'assiette et après l'addition, plus rien dans le porte-monnaie. Comme ça, on se sent plus léger. Qu'est-ce que tu peux être râleur? Eh bien moi, j'ai hâte de la goûter, votre cuisine. Et notre café, qu'est-ce que vous allez en faire? On a quelques petites idées. Il y a beaucoup de jeunes qui le fréquentent. Les jeunes, ils préfèrent aller sur la côte. Mais si vous pouviez les faire rester au village... Tiens, voilà celui que vous attendiez. Maurice Constant descend de voiture et s'approche de Corinne. Monsieur Constant, je suis contente de vous voir. On commence à s'inquiéter. Bonjour, Madame Lemoine. Et pourquoi vous étiez inquiet? Pour rien, Maurice, mais on est pressé de revoir notre restaurant. Eh bien, allons-y. Maurice, Bernard et Corinne entrent dans le restaurant. C'est bien. Alors, ça vous plaît toujours autant? Oui, c'est ce qu'il nous faut. C'est aussi ton avis, chérie? Tout à fait. Et c'est vraiment très bien que la salle du restaurant et le café soient séparés. Et qu'est-ce que vous voulez faire de spécial dans le café? Vous verrez. Laura vient rejoindre ses parents. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Alors, ça te plaît? Pas mal. C'est plus grand que ce que je croyais. Vous m'embaucherez pendant les vacances?